بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى nous a ordonné de suivre ses ordres et ne pas suivre les passions des gens. Le fait d'annuler la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala et annuler le moyen légitime pour choisir l'imam et le remplacer par des élections démocratiques, c'est du tahakum ila taghut. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الحاكمية appartient seulement à Allah جل وعلا. Elle n'appartient pas au peuple. الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومستدرج الكافرين بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله والصلاة والسلام على من أعلى منار الإسلام بسيفه. أما بعد، قال المولى سبحانه وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. والكافرون يقولون: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الشعب وليس لأحد سوى الشعب. الله سبحانه وتعالى دي sur toute chose, sur toute divergence, le jugement n'appartient qu'à Allah, alors que les mécréants disent, sur toute chose et sur toute divergence, le jugement n'appartient qu'au peuple et à personne d'autre que le peuple. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. وَالْكُفَّارُ يَقُولُونَ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى الشَّعْبِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالدِّمُقْرَاطِيَّةِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si vous avez un conflit en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et au messager, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Alors que les mécréants disent, si vous avez un conflit en quoi que ce soit, renvoyez-le au peuple, si vous croyez en la démocratie. La hakimiyya appartient seulement à Allah, jalla wa ala. Elle n'appartient pas au peuple. Bien au contraire, les gens doivent se soumettre aux obligations d'Allah et son jugement subhanahu wa ta'ala. Qala subhanahu wa ta'ala fi muhkam tanzilihi wa la yushriku fi hukmihi ahada. Il n'associe personne à son jugement. Wa qala ta'ala wa ma kana li mu'minin wa la mu'mina idha qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasuluhu faqad dalla dalalan mubina. Il n'appartient pas à un croyant ou une croyante, une fois que Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Le fait d'annuler la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala et annuler le moyen légitime pour choisir l'imam et le remplacer par des élections démocratiques, c'est du tahakum ila taghut. Qala al-mawla subhanahu, alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu ash-shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire en ce que on a fait descendre sur toi et en ce que on a fait descendre avant toi? Ils veulent prendre comme juge le taghut, alors que c'est en lui qu'on leur a demandé de me croire, mais le shaitan veut les égarer très loin dans l'égarement. Et lorsqu'on leur dit, venez vers ce que Allah a fait descendre et vers le messager, tu vois les hypocrites s'écarter de toi. L'objectif de la imama est d'instaurer la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala dans tous les domaines de la vie, rendre justice, ordonner le bien et interdire le blâmable. Et pour cette imama, la législation d'Allah a mis des conditions obligatoires que l'imam doit avoir, tout comme la droiture, le courage, être juste, avoir du ilm et d'autres conditions. Si on regarde les élections qu'il y a, elles sont basées sur les désirs et les passions des gens. Les gens qui votent, votent pour satisfaire leurs passions, sans tenir compte des conditions qu'on a citées. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de suivre ses ordres et ne pas suivre les passions des gens. فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Ni les juifs ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à que tu suives leur religion. Dis, certes, c'est la direction d'Allah qui est la vraie direction, mais si tu suis leur passion, Après ce que tu as eu comme science, tu n'auras contre Allah ni protecteur et ni secoureur. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. Juge alors parmi eux, d'après ce que Allah a fait descendre, ne suis pas leur patient, et prends garde qu'ils ne tentent de t'éloigner d'une partie de ce que Allah t'a fait révéler. Et puis, s'ils refusent, sache que Allah veut les affliger pour une partie de leurs péchés. Et beaucoup de gens, certes, sont des pervers. وقال تبارك وتعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. Puis nous t'avons mis sur la voie de l'ordre, suis-la et ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره أي اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ابن كثير dans son تفسير il a dit, c'est-à-dire suis ce que Allah t'a fait révéler, لا إله إلا هو, et détourne-toi des idolâtres. Allah تبارك وتعالى a montré que la majorité des gens ne se maintiennent pas à son commandement et ne souhaitent pas être jugés par sa législation et ses lois سبحانه وتعالى, mais ils veulent le jugement de la jahiliya. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. Est-ce donc le jugement du temps de la jahiliya qui cherche? Est-ce donc le jugement du temps de l'ignorance qu'il cherche? Y a-t-il meilleur qu'Allah en matière de jugement pour des gens qui ont une certitude? لقوم يوقنون. وقال تعالى إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. Le pouvoir n'appartient qu'à Allah. Il vous a commandé de n'adorer que lui. Telle est la religion droite. Mais la plupart des gens ne savent pas. وقال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Suivez ce que vous a été descendu venant de Allah et ne suivez pas d'autres alliés que lui. Mais vous vous souvenez peu. Mais vous vous souvenez peu. Et les versets qui vont dans ce sens, qui montrent que la plupart des gens se détournent de la charia et se penchent vers l'égarement, sont nombreux. L'islam ne met pas au même niveau l'ignorant et le savant. Il ne met pas au même niveau le pieux et le pervers. Il ne met pas au même niveau le musulman et le mécréant. Alors que le système électoral démocratique met au même niveau tout le monde dans les élections. قال سبحانه وتعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. Celui qui est croyant est-il comparable au pervers? Non, ne sont point égaux. وقال سبحانه وتعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. Celui qui sait que ce qui t'est révélé de la part de Allah est la vérité est-il semblable à l'aveugle? Seuls les gens doués d'intelligence réfléchissent bien. وهذا في سورة الرعد. وقال تبارك وتعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. Traiterons-nous les soumis à la manière des criminels? Qu'avez-vous? Comment jugez-vous? Le principe des élections a conduit les gens à ne pas comprendre la notion de légitimité, à shar'iyya, ce qui porte beaucoup d'entre eux à croire que la légitimité découle de la majorité de la population et non pas du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et ceci est un égarement qui est la cause de la mécréance et du shirk dans cette idole qu'on appelle la démocratie. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa allahu ghalibun ala amrih walakin aktharan nasi la ya'lamun.